بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس السابع والأربعين 47 leçon في فصل الإيمان باليوم القيامة يعني يوم الآخر dans le chapitre de la foi au jour dernier. قال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 273e question. ما هي الأشياء التي تتبع الميت وما الشيء الذي يبقى معه؟ Quelles sont les choses qui suivent le mort lors de son enterrement et quelle est la chose qui reste avec lui? Chose très importante à savoir. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه. Que lorsque on emmène le mort, comme l'a rapporté Anas radhiyallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le mort sera suivi par trois choses, dont deux reviendront et une seule restera avec lui. Il sera suivi par ses proches, par ses biens et par ses œuvres. Une fois qu'il sera enterré, ses proches ainsi que ses biens repartiront et seront même distribués dans l'héritage. Et qu'est-ce qui restera? Ses œuvres. Ce qui prouve que tout cela, ce qui est la chose la plus importante pour nous, sont nos œuvres. Plus que nos biens, plus que nos familles, ce sont nos œuvres. Car des gens agissent mal, justement, pour faire prédominer leur famille et leurs biens. Ça, c'est tout le contraire qu'il y a à comprendre de ce hadith. Que à la base, ta famille, tes proches, tu agis avec eux de façon correcte, pour que cela soit une œuvre comptée pour toi, qui restera dans ta tombe. Et que tes biens, tu dois les acquérir de façon licite et les dépenser de façon licite et dans ce qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala pour que justement ces œuvres-là soient avec toi. Et malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui font tout le contraire. Ils sont éprouvés par leurs proches, par leurs femmes, par leurs enfants, par leurs parents et désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là qui repartiront après que tu as été enterré et ces gens-là qui te désavoueront yom al-qiyama et tes biens également s'ils ne sont pas acquis de façon licites, ils seront pour toi une cause de châtiment si Allah veut te châtier. Ils ne seront pas comptés comme étant dans tes bonnes actions. Donc la chose la plus importante sont les œuvres. Les œuvres qui amènent à obtenir l'agrément d'Allah et son pardon. Fumakal, Fisluel, Arabi, Awasabin, Badal Miatein. 274e, ou plutôt 284e question. Là, je me suis trompé, je crois que j'ai dit 273, c'est 283e, la précédente. Ah, pour une. Je crois que j'ai mal lu. 284e question. Uzkur, thalathata ashiya, talhaqul mayyit ba'd mawtihi. Six trois choses qui vont rejoindre le mort après sa mort, justement parmi ses œuvres, qui perdureront et qui lui apporteront profit après sa mort. Ça veut dire dans sa tombe. قال علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. Il a dit une science qui fait profiter aux gens. Et là on passe d'un ilm shar'i, une science différée de la religion, une aumône courante et un enfant pieux qui invoque pour lui. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. Il est min salathatin. Il est min salakatin jariya ou ilmin yantafi'u bih ou waladin salih yad'u lah. Rawaw Muslim. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam que lorsque l'homme meurt, tout acte qu'il accomplissait auparavant s'interrompra. Hormis trois choses. Une aumône courante, une science qu'il laisse qui profite aux gens et un homme pieux qui invoque pour lui. Donc regardez bien, ça rejoint ce qu'on a dit précédemment. Que à Walen, la chose qui te profite beaucoup, c'est une science que tu auras laissée. Comme une da'wa, comme des livres. D'accord? Ce qui est le cas de beaucoup de nos ulama, parce que certains ulama n'ont pas forcément de livres. Mais ils ont une science qui profite. Donc une chose qui profite aux muslimounes, que tu laisses derrière toi. Également une aumône courante, une chose que tu auras mis de ton argent et qui profite aux gens jusqu'après ta mort. Par exemple, un masjid que tu auras construit, D'accord? Ou un argent que tu as contribué pour qu'une darwa se propage. Comme on voit par exemple au Yémen, des gens qui aident beaucoup de marakiz, et que même après leur mort, cela continue, car lorsque la darwa se propage, ils en tirent des hasanats, par exemple. Ou des gens qui aident les gens, qui dépensent de leurs biens pour aider les gens pauvres à accomplir des actes de bien, comme le hajj, comme des umrah, et ghayr zalika. Et autres, parmi toutes les formes de d'aumône courante. Et un enfant pieux, justement, que cet enfant ne soit pas une cause d'épreuve pour toi et de tentation. Au contraire, tu l'éduques en ce bas monde dans le bien, il sera une cause pour toi par la suite, lorsqu'il invoquera Allah Azzawajal, que Allah te pardonne. Et cela par le fait que tu seras efforcé en ce bas monde de l'avoir éduqué correctement. Ce qui devrait effrayer les gens qui sont négligents face à l'éducation de leurs enfants. Il se peut que ton enfant, tu l'éduques mal, et après ta mort, il ne t'apportera du tout. Mais au contraire, la négligence que tu auras, tu en seras responsable, pourra te rajouter du châtiment par la suite. Du fait que tu ne l'as pas appris à faire les choses, tu ne l'as pas appris à faire les choses qu'il devait faire. Il portera son propre fardeau, mais toi, tu auras une responsabilité de ne pas lui avoir appris, alors que cela était ton obligation envers lui, et un droit envers lui. La nasiha, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas d'entre vous à qui Allah a confié une responsabilité auprès de sa famille, sans qu'il ne tourne de conseil, c'est-à-dire qu'il n'aura pas conseillé ses proches, soit qu'il ne sent pas l'odeur de Jannah. Il ne sentira pas l'odeur de Jannah du paradis. Donc les gens qui viennent chez eux, qui mettent leurs enfants à l'école des mécréants, des écoles mixtes, dans des écoles où ils apprennent des choses qui s'opposent à la religion, où ils apprennent le mal, les gens qui mettent leur télévision chez eux, ils éduquent leurs enfants à la télévision, les enfants qui emmènent leurs enfants dans un lieu interdit, réalisés à l'écart, qu'ils habillent mal, tout cela expose à un dur châtiment. Dans sa tombe, et par la suite, si Allah ne le pardonne pas. Wali azabillah. Thumma qala fi su'al al-khamis wa thamanin ba'd al-mi'atayn. 285e question. Ma hiya al-masa'il allati yus'alu 'anha al-'abd fi al-qabr? Quelles sont les choses au sujet desquelles le serviteur sera interrogé dans sa tombe? Ta'rifun al-hadith. Ils sont interrogés à propos de son Seigneur, qui est-il? Sa religion, quelle est-elle? Et son prophète, qui est-il? Et le dalil en cela, c'est le hadith, justement, que vous connaissez, qu'on a déjà cité auparavant, de Al-Bara al-Azim, lorsque les deux anges viendront interroger l'homme dans sa tombe. En disant, Man Rabbuk, il dira, Rabbi Allah, Ma dinuk, yakul dinu l'islam. Qui ton Seigneur? Il dira, Mon Seigneur, c'est Allah. Quelle est ta religion? Il dira, Ma religion, c'est de l'islam. Man adarajul al-Azibwa'itha ilikum. Qui cet homme qui est envoyé auprès de vous? Il dira Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant au kafir, au munafiq, il dira ha ma adri. Il dira je ne sais pas. Thumma qala fi su'al as-sadis wa thamanin ba'd al-mi'atayn. 286e question. Bimaza yajibu al-muslim. Par quoi répondra le muslim? Il répondra correctement que son Seigneur c'est Allah, que sa religion c'est l'islam, que son prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la 287e question, ce qu'on a dit à propos du munafiq et du kafir, il dira ah, je ne sais pas. Thumma qala fi su'al al-thamin wa thamanin ba'd al-mi'atayn. 288e question. Uthkur ba'd ashrat as-sa'a. Cite certains signes de l'heure. L'heure qui viendra où la dunya disparaîtra. Il dit parmi ces signes, qui sont très nombreux, on va tout simplement citer les adillah directement. Anas radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt qala alaw hadithukum hadithan sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la yuhadithukum ahadun ba'di sami'ahu minhu inna min asharat as-sa'a an yurfa' al-'ilm wa yadhharu al-jahl wa yafshu az-zina wa yushrabu al-khamr wa yadhhabu ar-rijal wa tabqa an-nisa hatta yakuna bi khamdi li 50 imra'atin ولخمسين امرأتين عفوا قيم واحد متفق عليه. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit parmi les signes de l'heure, que la science disparaîtra, que l'ignorance apparaîtra et que la fornication se propagera et que l'alcool sera bu, c'est-à-dire à grande échelle, et que les hommes partiront, les hommes mourront de plus en plus, à tel point qu'il y aura un seul homme pour 50 femmes qui prendront en charge 50 femmes. Non pas qu'il se marie avec 50 femmes, mais il aura peut-être des filles, des tantes, des sœurs, Rezalika, qui n'auront personne pour s'occuper d'elles, si ce n'est une seule personne. كذلك حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقرب الزمان وتظهر الفتن ويكثر يكثر الهرج وهو القتل القتل. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que l'heure ne viendra pas tant que la science ne sera pas reprise, qu'il y aura beaucoup de tremblements de terre, de secousses, de séismes, que les temps se rapprochent, c'est-à-dire le temps passera très très vite, comme on le voit actuellement, que les troubles apparaîtront, et qu'il y aura beaucoup de morts, ou de meurtres plutôt. De meurtres. Et le hadith apporté par le Bukhari. Et كذلك hadith Anas ibn Malik, radiallahu anhu, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقترب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال للتين وأن تتخذ مساجد طرقا وأن يظهر الموت الفجاء. Qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de l'heure, justement, que justement le temps passera très vite, que les masajids sont pris comme lieu de passage, et que on verra beaucoup de morts soudaines, de morts subites, comme on dit. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينتق فيها الروابضة. قيل وما الروابضة يا رسول الله؟ قال السفي يتكلم في أمر العامة. Donc il a dit صلى الله عليه وسلم que parmi il viendra sur les gens des années trompeuses dans lesquelles on croira le menteur, dans lesquelles on démentira le véridique, dans lesquelles on fera confiance au traître, et dans lesquelles on suspectera celui qui est de confiance, le contraire. Et que le Rouébida se mettra à parler. Et ils ont dit qu'il le Rouébida, il dira le sot, le fameux esprit qui parle dans ce qui touche aux choses générales des gens. وكذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. Que l'heure n'aura pas lieu tant que les gens ne se mettront pas à se vanter dans les masajid. ثم قال في السؤال التاسع وثمانين بعد المئتين 289 question ما هي العشر العلامات الكبرى للساعة. Maintenant il dit quels sont les 10 signes majeurs de l'heure, quels sont les petits signes comme ce que nous avons cité précédemment, et les grands signes, qui sont les signes précurseurs d'avant l'heure, les gros signes, qui eux, pour l'instant, ne sont pas encore apparus. Mais les petits, beaucoup d'entre eux sont déjà apparus. Et il y en a d'autres. Là, on a cité certains, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Donc, il dit, ce sont ceux qui sont cités dans le hadith de Huzaifa, Ibn Asid al-Rifari. Qala, ittala'a al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayna wa nahnu natadhakar. فقال ما تذكرون قل نتذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق خصف بالمغرب وخصف بالجزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'heure n'aura pas lieu tant que vous ne verrez pas avant elle 10 signes. Il cita la fumée. Il cita le Dajjal. Il cita la bête qui parlera aux gens. Il cita le lever de soleil de son couchant. Et ça, c'est le dernier signe. Après lequel, les gens ne pourront plus croire et la Tawbah ne sera plus acceptée. La descente de Isa ibn Maryam, qui va revenir, car il est aux cieux. Alors, il est aux cieux, contrairement à ce que pensent les chrétiens, qu'il est mort, crucifié. Il va revenir. Et il va casser la croix. Et il va tuer le porc. Et il va juger que la charia. Également la venue de Yadjouj ou Ma'djouj, qu'ils appellent Gog et Magog, chez les gens du livre. Et trois éclipses. Une qui aura lieu en Orient. Une en Occident. Et une dans la péninsule arabique. Et le dernier qu'il cita, c'est un grand feu. Un grand feu qui sortira du Yémen, qui fera fuir les gens. un grand feu sortira du Yémen qui fera fuir les gens. Là, ce sont les 10 signes majeurs. Et pour l'instant, aucun signe n'est encore arrivé. Nassallallahu alayhi wa sallam. Falhamdulillah bil alamin.